Chapitre 7. Le chat noir. Affolé, j'ai couru comme j'ai pu vers l'autre porte, les yeux à moitié fermés pour les protéger de la vive clarté qui avait envahi le lieu. J'avais le cœur qui battait la chamade quand j'atteignis la sortie. Je m'arrêtai une fois passé le seuil et me retournai. Déjà la clarté magique commençait à s'estomper. Je réalisais soudain que j'avais ici l'occasion de rentrer chez moi. J'hésitais un instant. En avais-je vraiment envie? Avais-je le droit d'abandonner Harry, sachant ce qui l'attendait? Je fis un pas en arrière, mais la porte claqua, et malgré mes efforts, je ne pus la rouvrir. Je ne pouvais plus retourner dans la salle maintenant. J'avais raté l'occasion qui m'avait été donnée. Encore sous le choc, je continuai mon chemin vers les cachots. Alors que je débouchais dans le hall d'entrée, Neville me sauta dessus. « Dépêche-toi, on va être en retard » Qu'est-ce qu'il racontait? Il ne suivait pas les cours de potion, lui. « Alors, Harry, tu te bouges? Les diligences sont sur le point de partir. » Diligence, Neville qui m'empoignait familièrement pour me traîner dehors. « Harry ?» Je regardais autour de moi pour confirmation. C'était l'été à Poudlard. Il me fallut encore quelques secondes pour réaliser. J'étais de retour, finalement. Je n'arrivais pas à déterminer si j'en étais heureux ou pas. Heureusement, Neville prit les choses en main et me traîna vers les calèches qui nous attendaient patiemment devant le château. Sans me laisser le temps de réagir, mon ami m'obligea à monter dans l'une d'elles. Je retirai machinalement ma robe d'uniforme et le pull que je portais en dessous avant de me laisser tomber sur la banquette molletonnée. « T'as découché toute la nuit ou quoi ?» me demanda mon ami, une fois que nous fûmes installés. « Je ne t'ai pas vu ce matin. T'étais avec une fille » avança-t-il. Pour simplifier, je hochai la tête. « Bon, ça a dû être quelque chose alors » commenta-t-il avec envie. « T'as vraiment l'air d'avoir vécu l'expérience la plus ébouriffante de ta vie. » « C'est le cas » répondis-je discrètement. « C'était Suzanne ?» demanda-t-il encore. « Suzanne ? Suzanne Bones ?» Je ne lui avais parlé que 3 fois ces 2 derniers mois, là-bas. Mais ici, je sortais avec elle, et j'avais eu une intéressante expérience en sa compagnie dans un placard à balai. Il y avait longtemps pour moi. « Non, pas Suzanne, » répondis-je, résolu à la tenir en dehors de tout ça. « Toi alors ?» commenta Neville. Heureusement, 2 retardataires nous rejoignirent dans le véhicule et Neville se tut discrètement. Une fois après Hollard, nous avons débarqué pour nous rendre à la gare. Je longeais la calèche et me trouvais nez à nez avec la créature la plus laide que j'ai jamais vue de ma vie. C'était une espèce de cheval famélique, ailé de surcroît. Je restais un moment figé avant que Neville ne me tire par le bras en soupirant et ne m'entraîne vers le train qui s'ébranlait déjà quand nous y montâmes. Un sombral? Cela ne pouvait être que cela. Mais depuis quand je voyais les sombrales, moi? Je n'avais pas vu de cadavre? Non. Puis, je me rappelais la silhouette encagoulée et la baguette pointée vers moi. J'avais cru mourir à ce moment-là, ce qui expliquait sans doute que je puisse désormais voir ces funestes créatures. Je passai le reste du voyage à somnoler. Je sais que Suzanne tenta de me voir, mais Neville lui raconta que j'étais malade et que j'avais besoin de me reposer. J'étais encore assommée par la brusque transition et j'appréciais d'avoir retrouvé mon meilleur copain et son habitude de me couvrir. Je fus très émue de retrouver maman et Rose sur le quai de King's Cross. Je les serrai dans mes bras, comme je l'avais sans doute fait rarement. Maman me regarda d'un air scrutateur. « Tu as grandi, mon chéri, j'ai l'impression, » dit-elle. « Ah, tu crois ?» éludai-je. Mais ce qui me fit le plus drôle, c'est de revoir mon père. Il était à la fois ressemblant et différent de Harry, ce qui me déroutait passablement. Mais en même temps, j'étais heureux de le retrouver. Mes parents me demandèrent comment s'étaient passés mes examens, et j'eus du mal à faire le tri dans mes souvenirs pour me rappeler mes épreuves de buse. supposé avoir été passé quelques jours plutôt à peine. Le plus perspicace fut Titus, mon chien. Quand il me vit, après les premiers émois de ravissement, il renifla longuement mes vêtements, notamment le pull tricoté par Molly. Je m'étais trompée le matin en m'habillant, et c'était celui de l'autre Harry que je portais, quand j'avais été renvoyée dans mon monde. L'odeur devait être la mienne, tout en étant subtilement différente, et pour sa gaboche de cabot, c'était un grand mystère. Pour la mienne aussi, d'ailleurs. « Il est nouveau, ce pull ?» demanda ma mère. « Oh, c'est un cadeau !» balbutiai-je en rougissant. « Je vois, » fit mon père d'un air entendu. « Harry a une amoureuse !» chantonna ma sœur. Je haussai les épaules. 11 ans de fraternité m'avaient appris à faire comme si je n'avais rien entendu. Et puis cela m'arrangeait que ma famille se méprenne. Peu à peu, je repris mes marques. Je passais plus de temps que d'habitude avec mes parents et fus particulièrement indulgent avec Rose. Cette petite peste en profita d'ailleurs honteusement. Mais j'avais du mal à faire comme si de rien n'était. Je m'inquiétais beaucoup pour Harry, Hermione, Ginny et Neville. Que se passait-il dans leur monde? Mon double allait-il réussir à éliminer le Seigneur des Ténèbres? À quel prix? L'idée de n'avoir aucun moyen de communiquer avec lui et a fortiori de l'aider me désolait. Mais ce n'était pas mon genre de passer mon temps à me lamenter sur ce qui ne pouvait être changé. Je ne l'avais pas fait dans l'autre monde et je n'allais pas y succomber en rentrant chez moi. Comme là-bas, je décidais d'aller de l'avant et de tâcher de profiter de ce que mes expériences m'avaient révélé. C'est ainsi que, 2 semaines après mon retour, je frappai à la porte du cabinet de travail de mon père. « Je peux te parler, papa ?»« Bien sûr, Harry. Une petite pause me fera du bien, » m'accueillit-il avec un grand sourire. « Je viens te parler affaires. » Il haussa les sourcils, peu habitué à m'entendre si sérieux. Il me désigna un siège de la main et m'accorda toute son attention. « Je voudrais t'emprunter 1000 galions. » La déception qu'il ressentit fut nettement perceptible dans ses yeux marrons. Sans doute pensait-il que lui demander de l'argent était là ma conception des affaires. C'était un peu vexant, mais mon insouciance passée justifiait sans doute une telle méprise. « Puis-je te demander ce que tu veux en faire ? Ou préfères-tu garder cela pour toi ? » s'enquit-il un peu froidement. « Je voudrais investir, » annonçai-je le cœur un peu battant, ayant l'impression de passer un examen particulièrement important. « Dans quoi ? » demanda-t-il plus chaleureux. « Je t'ai déjà parlé des jumeaux Weasley. »« Oui, souvent. Ils font des blagues avec toi à Poudlard, et ce sont eux qui ont retrouvé la carte. »« Exactement. Ils viennent de passer leurs aspics et envisagent de vendre leurs idées à des magasins existants. Mais je suis certain qu'ils préféraient avoir leur propre boutique. »« Je ne sais pas si c'est une bonne idée, » m'opposa très sérieusement mon père. « Il ne suffit pas d'une dizaine de produits amusants pour rentabiliser ce genre de commerce. Il ferait mieux de commencer à se faire connaître en se faisant vendre chez Onko. Moi, je pense qu'ils ont suffisamment de produits à mettre en vente dès maintenant, » lui assurai-je, heureux qu'il se donne la peine de me répondre sérieusement. « Et je ne compte pas tous ceux qui sont actuellement en phase de test et dont je ne t'ai pas encore parlé. Cette année, m'échauffai-je, ils ont inventé les pilules de gerbe et les nougats nés en sang. Ils nous ont fait un spectacle de feux d'artifice magique extraordinaire lors du banquet de fin d'année. Il y avait des dragons enflammés et des cierges magiques qui écrivaient « Vive Gryffondor » et « Abat Serpentard » au-dessus de nous. Quand on tentait de les faire disparaître, ils se multipliaient par 10. « Des pilules de quoi ? » demanda-t-il manifestement intéressé. Je lui décrivis minutieusement leurs nouveautés. « Je veux les rencontrer, » me dit-il finalement. « Papa, c'est moi qui veux investir en eux, » lui rappelai-je. « Si tu y tiens, » concéda-t-il, visiblement fier de moi, maintenant, « je te prêterai même davantage que 1000 galions. »« 1000 galions suffiront, » insistai-je fermement, ne pouvant moi-même m'expliquer cet acharnement à reproduire avec précision ce qu'avait fait mon double. « Bon, d'accord, » C'est ton affaire. Mais acceptes-tu que ton vieux père te donne quelques conseils? J'ai toute confiance en toi. Mais mon expérience pourrait te servir. Il ne fait aucun doute que quelques mois auparavant, j'aurais été avide de faire mes preuves et que j'aurais rechigné à être surveillée. Mais je pensais à un garçon de mon âge qui n'avait jamais eu de père pour répondre à ses questions et apaiser ses inquiétudes. C'est entendu. Je te remercie, papa. Son sourire me rappela celui de Harry, le jour de la poudre à cochon. Le lendemain, nous nous sommes rendus au terrier, après avoir envoyé un hibou annonçant notre venue. Je ne connaissais pas tellement Molly Weasley que je n'avais croisé qu'à King's Cross. Mais quand elle vint nous accueillir avec bonhomie, j'eus envie de la remercier d'avoir pris le temps de tricoter un pull pour un garçon perdu. Les jumeaux furent ravis de parler à mon père, car ils le vénéraient depuis que je leur avais avoué qu'il était un des fameux maraudeurs de la carte. Quand j'expliquai aux jumeaux le but de notre visite, ils restèrent une bonne demi-minute sans pouvoir répondre. C'était bien la première fois que je les voyais sans voix. Cela valait bien mes 1000 galions. « Harry, finit par me dire George, nous ne pourrons jamais te remercier suffisamment pour ce que tu nous proposes. Faites rire les gens, c'est tout ce que je vous demande, leur répondis-je du fond du cœur. » Ils reprirent contenance, puis Fred sauta sur ses pieds et bondit dans la cuisine. « Maman, on a un boulot, on va devenir riche !» Mais quand elle sut de quoi il retournait, Mrs. Weasley dit à mon père « Sans vouloir vous enfoncer, Monsieur Potter, êtes-vous sûr que c'est une bonne idée de leur donner de l'argent pour leurs bêtises ?»« J'en suis persuadée. Vous savez, j'ai été moi-même un spécialiste en bêtises, et je peux vous dire que ce que font vos fils est de la bêtise de première qualité. D'ailleurs, je serais enchantée d'avoir l'honneur d'en voir quelques échantillons. » Alors que Fred et George nous entraînaient vers leur chambre, nous entendîmes Molly crier. « Les garçons, si jamais vous faites prendre un de vos produits à Monsieur Potter... »« Ne vous en faites pas, » répondit joyeusement mon père. « J'ai l'habitude. » Deux jours plus tard, mon père me donna solennellement une bourse contenant 1000 galions, en échange d'une signature sur un parchemin. Je m'empressai de me rendre au terrier pour la remettre aux jumeaux. Je ne restais pas longtemps, rendu confus par leurs remerciements. Le 31 juillet, on fêta en grande pompe mes 16 ans. Je retrouvai à cette occasion mes meilleurs amis, les jumeaux, Ginny, Neville. Mes parents avaient également invité mon parrain, Rémus, et Peter. Je saluai froidement ce dernier et m'arrangeai ensuite pour ne pas avoir à lui parler. Même si rien ne prouvait qu'il ait trahi mes parents ici, je ne pouvais m'empêcher de me défier de lui. Tous ceux que j'avais rencontrés dans l'autre monde étaient semblables à ceux que je connaissais chez moi. Ce qu'ils avaient vécu les rendait parfois différents en apparence, mais leur personnalité profonde était la même. Même si Peter n'avait peut-être rien fait dans ce monde-ci, il n'en était pas moins capable de faire ce qu'il avait fait dans l'autre. Trahir ses meilleurs amis et assassiner un adolescent, par exemple. Je crois que je n'étais pas loin de le haïr. Malgré sa présence inopportune, la soirée se passa bien et ce fut un bon moment. Retrouver Neville au meilleur de sa forme était un bonheur. Les jumeaux nous firent mourir de rire en nous décrivant leurs idées pour leur prochain produit. La perspective d'avoir bientôt leur propre magasin ayant décuplé leur inventivité et leur audace. Ginny était resplendissante, et je compris l'attirance de mon double pour elle. Je me demandais un instant si ce n'était pas lui qui m'avait montré la voie, finalement. Puis je constatais que Neville semblait très sensible à la grâce de notre ami, sans que je ne ressente la moindre jalousie. Mais non, je n'étais pas l'autre Harry, et aucune des deux Ginny n'était pour moi. Une fois les invités partis, tandis que les elfes remettaient la maison en ordre, je montai me coucher. Maman toqua à ma porte, alors que j'allais me mettre au lit. « Je voulais te dire bonsoir, » me dit-elle. « Entre donc, l'invitai-je. Tu avais l'air heureux de revoir tes amis, commença-t-elle. « Oui, c'était formidable. Merci beaucoup à toi et à papa d'avoir organisé tout cela. » Je vis que maman hésitait, comme si elle voulait me dire quelque chose. Je me glissais sous les draps et tapotais les couvertures pour l'inviter à s'asseoir près de moi. Moi aussi, j'avais des choses à lui demander. Une fois assise, elle se décida. « Harry, y a-t-il quelque chose qui te tracasse? Tu sembles préoccupé depuis ton retour ici. J'aurais pu tout raconter à ce moment-là. Mais les choses étaient encore trop confuses dans ma tête pour que je puisse les livrer, même à mes parents. « C'est un peu compliqué, » répondis-je. « Je préfère ne pas en parler tout de suite. » « Comme tu veux, mon chéri, » dit-elle avec regret. « Mais tu sais que ton père et moi serons toujours là pour toi, » continua-t-elle. « Oui, maman, je sais. J'ai juste besoin d'un peu de temps. Et je peux te poser une question ?»« Bien sûr. » Je me lançai. « Maman, aurais-tu entendu parler d'une prophétie faite par le professeur Trelawney quelque temps avant ma naissance et susceptible de me concerner ?» Elle se raidit brusquement. « C'est ça qui te trouble ? » demanda-t-elle. « En partie, » répondis-je. « Et qui t'a raconté ça ? » demanda-t-elle sèchement. « Personne, » prétendis-je. « Harry !» s'écria-t-elle. « C'est important !» « Je sais. J'ai entendu une conversation que je n'aurais pas dû entendre. Alors, c'est vrai ? C'est... Tu sais ce que je pense de la divination, lâcha-t-elle avec répugnance. Oui, maman, répondis-je, me rappelant de son opposition quand j'avais voulu choisir cette matière, pensant que cela me donnerait moins de travail que l'arithmancie. C'est une prédiction particulièrement obscure, dit-elle tentant de prendre un ton dégagé. En plus, rien ne prouve que tu puisses être concerné. Elle ne sembla pas vouloir en dire davantage et commença à se lever. Mais je la retins par le bras. « S'il te plaît, maman, j'ai besoin de savoir. » Elle se rassit et commença de mauvaise grâce. « La prédiction en elle-même ne veut rien dire, » m'assura-t-elle. « Ce sont les circonstances dans lesquelles elle a été énoncée qui lui ont donné de l'importance. » Elle soupira, puis admit. « Nous avons eu si peur. Nous étions en pleine guerre. Tu étais encore dans mon ventre. » Savoir que tu étais peut-être évoqué par une prophétie concernant le Seigneur de Ténèbres nous a terrifiés. Nous avons été obligés de nous cacher dans plein d'endroits. Au lieu d'accoucher à Sainte-Mangouste, j'ai dû le faire dans un appartement moldu, dans une ville inconnue, avec l'aide de ton père et d'une infirmière sans expérience, mais en laquelle nous avions une entière confiance. Tu la connais d'ailleurs, c'est Madame Pomme-Fraîche. Par un de nos espions, nous avons su que tu sais qui avait entendu parler de cette prédiction et qu'il était à ta recherche. Nous avons dû prendre un gardien du secret. Tu sais ce que c'est ? Oui, maman. C'est ton parrain qui a été notre gardien. Il a risqué sa vie pour toi à cette époque. Tu ne peux pas imaginer le soulagement que nous avons ressenti en apprenant que celui dont on ne doit pas prononcer le nom avait été arrêté, jugé, envoyé à Azkaban. Et qu'il a ensuite reçu le baiser du détraqueur. Elle semblait bouleversée par cette évocation. Je la serrai dans mes bras et lui demandai. Elle disait quoi, cette prédiction ? Des bêtises. Je n'ai jamais compris ce qu'elle pouvait signifier. Elle disait quoi ? Insistai-je. Elle disait... Il fallut quelques secondes à maman pour qu'elle retrouve les termes exacts. Elle disait... Celui qui enseignera à vaincre le Seigneur des Ténèbres approche. Il naîtra de ceux qui l'ont par trois fois défié. Il sera né lorsque mourra le septième mois. Celui que le Seigneur des Ténèbres marquera comme son égal aura un pouvoir qu'il ignore. L'un devra l'enseigner à l'autre, et ce dernier ne peut vivre si l'autre ne vient pas. Celui qui détient le pouvoir d'enseigner sera né lorsque mourra le septième mois. Un vrai galimatia. « N'est-ce pas ?» J'avais la gorge trop serrée pour répondre. Elle reprit au bout d'un moment. « Il se trouve que trois fois, nous avons empêché tu sais qui d'obtenir un objet qu'il convoitait. Nous étions prêts à sacrifier notre vie, mais pas la tienne. Savoir que l'on a mis son propre enfant en danger est atroce. Tu étais si mignon quand tu étais petit, si innocent, si vulnérable. Tu sais, ton père et moi étions prêts à tout pour te protéger. J'avais même prévu le pire. Elle s'interrompit au bord des larmes. Mais je savais ce qu'elle aurait été capable de faire. « Je sais, maman, » lui dis-je doucement. « Je sais. Je ne veux pas que tu t'inquiètes à propos de ça. Le Seigneur des ténèbres est inoffensif maintenant et tu ne risques plus rien, » m'assura-t-elle avec force. Je la serrai très fort contre moi, puis je m'allongeai complètement, lui tournant le dos, feignant d'avoir sommeil. Je ne voulais pas qu'elle me voie pleurer. Elle m'embrassa, éteignit la lumière et ferma la porte, trop bouleversée elle-même pour se rendre compte de mon trouble. Je restai un long moment, sans pouvoir empêcher mes larmes de couler le long de mes joues. Ainsi, ici aussi, il y avait eu une prédiction, et elle me concernait. Elle avait obligé mes parents à se cacher et les avait mis en danger de mort. Mais Voldemort avait été arrêté et ils avaient vécu. Quel était mon rôle dans tout cela? Le peu que j'avais compris de cette obscure prédiction était que je devais apporter à mon double une connaissance indispensable pour qu'il sorte vainqueur de son affrontement avec Voldemort. Avais-je fait ce que je devais faire? Que lui avais-je appris? Je regrettais de toutes mes forces les semaines perdues à nous ignorer l'un l'autre. Je regrettais les discussions futiles où je n'avais fait que le taquiner. Je repassais fébrilement toutes nos conversations dans ma tête, pour tenter de trouver un élément susceptible de m'indiquer que j'avais réussi ma mission. Vers 4 heures du matin, je parvins à la conclusion que j'avais sans doute échoué. Il s'en fallut d'un cheveu pour que je ne me précipite dans le lit de mes parents, comme je le faisais jadis, quand j'avais fait un cauchemar, pour tout leur confier et partager mon fardeau. Mais le souvenir du visage crispé de ma mère quelques heures plus tôt m'en dissuada. Si elle avait été bouleversée en me parlant d'une prophétie qui ne s'était pas réalisée, que ressentirait-elle si je lui racontais qu'il existait un Harry orphelin, destiné à affronter le Seigneur des Ténèbres? Je savais qu'elle et mon père se rongeraient les sangs, et que cela ne servirait à rien. Il ne pourrait rien faire de plus que moi pour le survivant. Tout était fini. J'étais ici, sans possibilité de repartir. Mais je ne pouvais pas tout oublier pour autant, et certaines questions me taraudaient. Comment Voldemort avait-il été arrêté? Pourquoi n'était-il pas venu tuer mes parents ce 31 octobre 1981? Je décidai d'en parler à mon parrain. Trois semaines passèrent avant que je n'aie l'occasion d'être en tête-à-tête avec Sirius. Mais je finis par passer une soirée en sa compagnie, alors que sa femme, Antje, avait accompagné leur fille Alice quelques jours à la mer, en cette fin d'été. Mon parrain m'a invité à dîner dans une taverne sympa. Nous avons parlé de choses et d'autres, comme nous avions l'habitude de le faire quand nous étions ensemble. Ce n'est qu'aux alentours du dessert que j'ai réussi à parler du sujet qui m'intéressait. « Sirius, ma mère m'a expliqué que tu avais été le gardien du secret pour nous, quand j'étais bébé. »« Oh, c'est une vieille histoire, » me répondit-il. « Tu as risqué ta vie pour nous, » insistai-je. « C'était normal. Ton père a toujours été un frère pour moi. Mais justement, tout le monde savait combien vous étiez proches, non ?» demandai-je. « Tu devais être particulièrement recherché par les Mangemorts. » « Oui, c'est vrai. » dit-il en haussant les épaules, comme si cela n'avait pas eu tellement d'importance. « Et tu n'as pas hésité ?»« J'étais prête à mourir pour tes parents. » »« Cela doit te sembler grandiloquent, non ?»« Cela me semble bien ronflant, comme phrase maintenant, » jugea-t-il, se moquant de lui-même. « Mais à l'époque, c'était une réalité pour nous. »« Tu n'as jamais pensé confier cette mission à un autre moins exposé ?» Il me contempla, pensif, avant de me répondre lentement. Je l'avais oublié, mais effectivement, j'y ai pensé à un moment. Ce n'est pas que j'avais peur, non. J'étais trop jeune et trop con pour cela, je crois. Mais c'était une grosse responsabilité et on entendait parler de choses affreuses. Je me rappelle m'être demandé des nuits entières combien de temps je pourrais résister à un Doloris. Il paraît que cela peut rendre fou à la longue. Et puis il y avait l'Imperium aussi. L'idée de trahir James malgré moi me révulsait. Je me suis dit que ce serait peut-être une bonne idée de confier la charge de gardien à quelqu'un d'autre et de servir d'appât pour le protéger. « Et tu ne l'as pas fait ?» questionnai-je avidement. « Finalement, non. J'avais prévu d'aller voir Peter et de lui proposer de devenir le gardien de tes parents à ma place, mais alors que je m'apprêtais à aller le voir, j'ai reçu la visite de Folloy. Enfin, je veux dire Alastor Maugrey. C'était un aurore, un des meilleurs. On l'appelait comme ça, car il avait un œil magique qui tournait en permanence. C'était vraiment un drôle de bonhomme. Il était tout retourné quand il a débarqué chez moi, car il avait croisé un chat noir en chemin. Il m'a adjuré de ne rien entreprendre d'important dans les jours à venir. C'est qu'il était aussi superstitieux que paranoïaque, ce cher Maugrey. Sirius me regarda par en dessous en se grattant la tête, comme embarrassé. « Tu vas trouver cela idiot, » continua-t-il. Mais il avait réussi à me foutre les jetons avec son histoire de chat. J'ai du mal à croire aujourd'hui que j'ai pu me laisser impressionner pour une raison aussi stupide. Mais j'ai décidé d'attendre un peu avant d'aller voir Peter. Moins de 10 jours plus tard, la question ne se posait plus. Voldemort a été arrêté et ma mission a pris fin. Tu vois, il n'y a rien là de bien glorieux. On est resté quelques instants silencieux. Lui, plongé dans ses pensées, et moi stupéfait d'apprendre que mon existence avait été transformée par l'existence d'un chat noir. Il me restait une dernière chose à savoir. « Et comment s'est passée l'arrestation de tu sais qui ?» demandai-je. « C'est la brigade des Aurores qui a réussi à le capturer, » m'apprit-il. Alastor Maugrey n'en est pas revenu d'ailleurs. Le vieux renard a terminé sa carrière ce jour-là, après avoir tué des mange-morts particulièrement coriaces, le couple Lestrange. « Tu connais un peu Severus Rogue, non ?»« Oui, » répondis-je, « un peu. »« Bon, eh bien, figure-toi qu'il a été mange-mort à un moment. Ne dis pas à ta mère que je t'ai raconté ça, hein. Elle me ferait un sermon, car elle estime qu'il s'est racheté et qu'il a le droit de mener sa vie sans être regardé de travers et blablabla. Quoi qu'il en soit, c'est lui qui a réussi à indiquer à notre organisation où était Voldemort, ce soir-là. » Et il a aidé les Aurores à entrer. Remarque, il a gagné sa soirée, ce vieux Servilo. Le témoignage des Aurores l'a blanchi de tout ce qu'il avait fait auparavant, et il a pu prétendre à un poste de langue de plomb au ministère. J'eus très envie de lui apprendre que non, ce n'était pas si simple, et qu'il avait été bien près de déclencher une catastrophe. Mais je ne le fis pas, pour les mêmes raisons qui m'avaient incité à ne rien révéler à mes parents. À lui non plus, je n'avais pas le droit d'imposer des regrets et des soucis. Il s'était montré un ami fidèle. Il méritait de continuer à se féliciter de la façon dont tout cela s'était terminé. Dans ce monde-ci, l'hésitation de Sirius avait sauvé Peter de la traîtrise et sauvé la vie de ses amis. Elle m'avait garanti une vie sans histoire et lui avait permis d'échapper à Azkaban. Accessoirement, cela avait permis à Rogue de rentrer au ministère et ainsi sauver des générations de Gryffondor de la férule d'un professeur de potions injustes. Je décidai qu'il valait mieux, pour lui, de jamais le savoir,